salut Titi. J'ai surtout changé les cordes de la guitare. J'avais acheté des merdes de chez Ernie Ball, je crois, alors que j'utilise que des élixirs en général. Putain, il n'y a pas photo. Hein. Ah ouais, là, c'est magique. Puis en plus, quand tu te balades dessus... T'entends pas crisser comme les Ernie Ball. Mais alors, elles ont pas de son en plus. En électrique, elles sont bien. C'est ce que j'ai sur ma Strat. Mais en acoustique, elles valent pas un rond. Surtout qu'ils ont voulu imiter les élixirs avec l'espèce de produit siliconé qui est par-dessus. Là, ça marche pas du tout. Hein. Et en plus, en 15 jours, je les fusille, je les coupe avec les Bent. Le ré et le sol, je les cisaille. Puisque là, tu peux pousser, elle coupe pas les cordes. Quand tu joues en picking, tu tires sur les cordes deux fois plus que sur les qu'en électrique. Hein. Comme en plus, joue avec des tirants un peu durs, t'appuies comme un malade. Quand je prends l'électrique, il y a des moments, les trois premières minutes, je suis paumé parce que c'est trop mou. Et puis comme je les ai changés en fin de main, enfin début d'après-midi, le temps qu'elles se mettent en place, il y a quand même ça bouge. Hein. J'ai vu un papillon pleurer sur une fleur. Thank you. Bam bam bam.